transformation du concept de nature à proprement parler, je vais donner la parole, pardon, à... il est là ici, je vous prie de m'excuser, à Madame Aline Treillard, doctorante en droit public, qui est à ma droite. Vous avez la parole pour 15 minutes environ aussi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bien à tous. Oui, excellent. Si j'avais des orateurs. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr les organisatrices du colloque de me laisser l'opportunité de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc, évidemment, je vais vous parler des changements climatiques, mais je vais vous parler surtout de la manière dont les changements climatiques en fait provoquent les changements juridiques, notamment au droit de la protection de la nature, et c'est ce qui va me conduire à vous parler du concept de nature ordinaire. L'idée générale qui encadre mon propos est la suivante. En fait, en tant que nouvelle objet du droit, le changement climatique au Terre est en train d'opérer une mutation assez importante dans l'appréhension juridique des réels écologiques. Et lorsque ces mutations sont appliquées en droit de la protection de la nature, eh bien, on voit qu'elles vont pouvoir contribuer à l'émergence du concept de nature ordinaire. Le point de départ de ma réflexion, c'est l'année 1992, parce que donc, en droit international, on voit la naissance de trois grandes conventions, dont la CNUC et la CDD. Donc il faut observer que la CNUC retranscrit une prise de conscience des effets néfastes des activités humaines sur l'environnement, et donc implicitement, elle invite à repenser les liens qui unissent les sociétés humaines à la nature. Il en est de même finalement pour la Convention sur la diversité biologique qui met en avant ce nouveau concept scientifique de diversité biologique qui finalement adopte un champ d'application illimité qui remet un petit peu en cause le champ d'application classique du droit de la protection de la nature qui était finalement basé, qui est encore un petit peu basé, sur une hiérarchisation du vivant avec c'était le remarquable, le charismatique, les objectifs qualitatifs qui étaient pris en compte dans le champ classique du droit de la protection de la nature, avec la CDB, on se tourne plutôt vers des objectifs quantitatifs. Et le fait de se tourner vers des objectifs quantitatifs, ça permet de prendre en compte les éléments les plus ordinaires de la nature. Qu'est-ce que j'entends par la nature ordinaire en fait ? Donc, c'est les éléments les plus abondants, les espèces communes, les espaces communs. Et donc voilà, le fait de se tourner vers la diversité écologique ouvre la voie à l'intégration dans le champ politique de la nature ordinaire. Donc, à titre de constat par rapport à ces différentes conventions, on voit bien que la Convention sur la diversité biologique, c'est le cadre fécond pour l'émergence du concept de nature ordinaire. En revanche, c'est à travers les évolutions qui sont réalisées par le droit des changements climatiques que l'émancipation du concept de nature ordinaire va pouvoir avoir lieu. Donc, c'est toute la démonstration que j'ai voulu. Alors pourquoi le cadre fécond c'est la CDD et c'est le droit des changements climatiques qui permet de faire émerger les concepts de nature ordinaire ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que le droit des changements climatiques a pris le pas, quand même un petit peu en droit international, sur le droit de la diversité biologique, on voit vraiment au niveau des négociations internationales. Et ensuite, on remarque que le droit des changements climatiques opère des pressions vraiment fortes sur la construction du droit, ce qui offre des opportunités pour le développement du concept de nature ordinaire. Donc, compte tenu de cet état des lieux, je vais vous présenter deux grandes idées qui sont donc le plan de ma contribution. Donc, dans un premier temps, on observe que le droit des changements climatiques procède en fait à la reconstruction du droit de la diversité biologique en proposant, comme je vous l'ai dit, ces nouvelles modalités d'appréhension biologique qui va permettre l'émergence du concept de nature ordinaire. Et dans un second temps, on remarque qu'en garantissant l'émancipation de la nature ordinaire, finalement, le droit des changements climatiques concourt au transfert des solidarités écologiques qui existent entre le changement climatique et la diversité biologique, au transfert de ces solidarités écologiques dans la sphère juridique. Et donc, il permet de connecter les deux grands régimes, le régime du changement climatique et le régime de la diversité biologique, qui est un petit peu une lacune en droit international, puisqu'on a un peu tendance à les voir de manière fragmentée. Voilà pour les secondes idées. Alors, pourquoi peut-on estimer que le droit des changements climatiques peut reconstruire le droit à la diversité de l'homme ? Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est le résultat des renversements théoriques que subit le droit actuellement, parce qu'il s'intéresse, on l'a dit tout à l'heure, il s'intéresse à des objets complexes, à des objets nouveaux, et du coup, la méthodologie qui est mise en œuvre pour construire le droit est impactée par ces objets complexes et nouveaux. Je vais passer un tour parce que c'est des éléments qu'on connaît, mais ça interroge notamment le rapport du droit à l'espace et le rapport du droit au temps. juste à titre d'exemple, par rapport pour l'entendre du droit à l'espace, par rapport à l'espace physique notamment, avant, on avait tendance à voir l'atmosphère, je dirais, comme une juxtaposition du domaine public aérien. On voit bien dans la chanson ce point de vue travail, c'est-à-dire que c'est un domaine public aérien juxtaposé à l'autre. Aujourd'hui, l'atmosphère est vue comme un fluide indivisible. Donc ce rapport à l'espace est un petit peu modifié. Par rapport ensuite à l'espace juridique, on a vu à travers l'intervention de ce matin aussi, les espaces juridiques sont des allers-retours constants entre les différents espaces juridiques, espace juridique international, espace juridique régional, transnational, local. Donc le rapport du droit à l'espace est modifié, et le rapport du temps aussi, enfin le rapport entre le droit et le temps est modifié également, comme on a montré tout à l'heure, Marion Lemoine. Et donc en fait, à travers ces modifications dans l'appréhension juridique du droit écologique, le changement climatique a un effet, que je qualifie un effet subversif sur le droit de la protection de la nature. Parce qu'en fait, il va proposer une nouvelle clé de lecture sur la valeur de la diversité biologique. Et donc, il permet en fait de mettre en lumière les éléments les plus ordinaires de la nature. À titre d'exemple, notamment la flore, par exemple, avec la recherche de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique, on s'intéresse beaucoup plus qu'auparavant à la flore. Par exemple, le plancton des océans, les forêts, et alors c'est assez paradoxal, puisqu'on s'intéresse aux forêts dans les régions juridiques, davantage dans les régions juridiques du climat que dans les régions juridiques de la diversité biologique. Les forêts, on s'intéresse aussi beaucoup aujourd'hui, on a tout un discours autour de la reconquête de la nature en ville. Et cette nature en ville, c'est surtout la nature végétale. On parle des arbres, on parle d'insectes et végétaux, pour réguler un petit peu le climat au niveau local. Et j'ai appris il y a pas longtemps, par exemple, qu'un arbre à l'âge adulte, il pouvait transpirer jusqu'à 500 litres d'eau au niveau local, et faire baisser au niveau local la température de 3 degrés. Donc en fait, l'intérêt du changement climatique, voilà, c'est de révéler ce nouvel intérêt pour les éléments les plus ordinaires de la nature. Ce qui n'existait pas avant, puisqu'on était vraiment sur des éléments extraordinaires, des éléments menacés, des éléments rares. Donc là, c'est un petit peu une difficulté. C'est pour ça qu'on peut considérer que le droit du changement climatique reconstruit le droit de la nature, le droit de la diversité biologique. Et donc, en intégrant des nouveaux éléments dans son régime juridique, il permet finalement une application plus large au sein du droit de la protection de la nature, des principes de prévention et des principes de précaution. Je vous donne un exemple. En droit de la protection de la nature, la référence principale, c'est la liste rouge de l'ICN, qui classifie en 9 catégories les différentes, pour les espèces en tout cas, qui classifie en 9 catégories les différentes espèces. Donc, vous avez éteintes à l'état sauvage, menacées ou en extinction. Et on a les deux petites dernières catégories, qui sont les espèces quasi menacées ou les espèces de préoccupation mineure. Alors, classiquement, ces deux catégories, le droit de l'énigme, je ne s'en occupe pas, elle s'occupe des autres espèces qui sont menacées. Et là, on voit bien qu'avec le changement climatique, finalement, on va s'intéresser de nouveau, enfin, pas de nouveau, on va enfin s'intéresser à ces catégories d'espèces, parce qu'elles vont avoir, elles vont permettre de lutter contre le changement climatique ou de s'adapter au changement climatique. De permettre une adaptation au changement climatique. Donc, une bonne nouvelle, une certaine utilité des espèces. Donc, on remarque que ça a un impact également au niveau de l'application spatiale pour la protection de la nature. Et on voit, ça c'est déjà des constats qui ont déjà été faits auparavant, c'est-à-dire que la zone protégée aujourd'hui ne suffit plus à garantir la protection de la nature, il faut avoir une conception beaucoup plus large de l'espace, et tout ça, ça revient aussi aux nouvelles modalités d'appréhension juridique des zones écologiques, ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire qu'il faut voir l'espace au-delà de la frontière. Et ça, le changement climatique permet vraiment aussi d'avoir ce mode de pensée. Donc il y a une reconstruction qui est opérée par le changement climatique en droit de la nature. Maintenant j'en viens à mon second point. En fait, en opérant cette reconstruction, le droit des changements climatiques, il crée des attentes normatives entre le régime juridique des changements climatiques et le régime juridique de la diversité biologique. Et en fait, il permettrait, s'il était correctement institué en droit, il permettrait de connecter les deux régimes juridiques. Ah, voilà. Je vais développer un petit peu cette idée. Si le concept de nature ordinaire, ou si les éléments les plus ordinaires sont constitués en droit, on peut espérer que par rétroaction, le concept de nature ordinaire puisse connecter les deux régimes juridiques au niveau international et aux autres niveaux, entre d'un côté le changement climatique et de l'autre la diversité biologique. Donc en fait, le concept de nature ordinaire, la nature ordinaire forme un nœud au sein de ce réseau. On a l'habitude hein, de représenter le changement climatique comme évoluant dans un cadre multiculaire, parce que nos acteurs, il y a des multiplications de nos pouvoirs, il y a l'apparition de phénomènes juridiques transnationaux. Il y a un droit souple, le droit climatique est devenu dans un cadre multiculaire. Toutefois, on peut observer que ce cadre multiculaire est assez limité. Les ramifications sont vraiment limitées au droit climatique. Et avec la reconstruction du droit de la diversité biologique et l'émergence du concept de nature ordinaire, on peut faire un pont, on peut créer un nœud entre les deux régimes juridiques, donc une zone de contact, un point d'accroche, de différentes manières, entre les deux régimes, ce qui permettrait de connecter, et de défragmenter les deux régimes juridiques. Pour une illustration opérationnelle, par exemple, on pourrait penser à la rédaction d'un futur protocole commun à la CNIL, à la CDV, hein, il y a plusieurs auteurs de doctrine qui appellent à mettre en œuvre un protocole commun entre les deux. Et pour pouvoir faire un protocole commun, il faut bien sûr des points d'approche entre les deux. Et cette relecture de la nature, cette relecture à travers l'ordinaire, peut être une porte d'entrée parmi d'autres pour réaliser ce protocole commun. Donc ça, c'est plutôt les opportunités fonctionnelles du concept de nature ordinaire. À titre éminemment prospectif, hein, je le dis avant de continuer, on pourrait aussi penser à des opportunités un petit peu plus subjectives. Donc là, je vais m'inquiéter très légèrement sur ce qu'il a dit après. On voit bien le développement d'un contentieux climatique aujourd'hui. Si on prend l'affaire Urgenda du 24 juin 2015, le juge néerlandais a reconnu l'existence d'un devoir, en tout cas d'une responsabilité climatique envers l'État. Donc si on renverse la balance, on pourrait bien penser, le professeur m'a demandé l'école de l'enseignement climatique, on pourrait penser à la consécration du droit à un climat, et notamment du droit à un climat équilibré. Et en fait, ce droit à un climat équilibré peut être lu de manière différente si on lui accole le concept de nature ordinaire. À premier titre, comme ça, le droit à un climat équilibré, c'est l'équilibre des flux. En revanche, on voit bien que le terme équilibré, en tout cas dans le droit de l'homme à l'environnement, on retrouve déjà ce terme, le droit à l'environnement équilibré, on le trouve par exemple dans l'article 1 de la Charte de l'environnement, et en fait il peut vibrer autrement au contact du contentieux climatique. Qu'est-ce que l'on entend par là? En fait il peut matérialiser, parce que le droit à l'environnement équilibré, c'est le droit à la biodiversité, c'est le droit à l'équilibre des lieux, c'est le droit finalement à avoir accès à l'ensemble de la nature et non pas à cette nature qu'on a faire. Et donc en fait, la consécration du droit à un climat équilibré pourrait matérialiser une autre zone de contact entre les différents régimes, entre le régime juridique du climat, le régime juridique de la diversité biologique et les droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les rapports de l'urgence, qui fait vraiment le lien entre la qualité du climat, la qualité de la biodiversité et la qualité et l'objectivité des droits de l'homme. On voit fleurir des propositions en ce sens. Par exemple, quand vous avez un troisième pacte international des droits de l'homme qui a été rédigé par Michel Couvert et son équipe en ce sens. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait aussi d'autres initiatives en ce sens. Et donc, pourquoi pas dans une dimension prospective, insérer l'ordinaire. Je voudrais juste être un petit peu plus nuancée et dire que même si le droit des changements climatiques finalement permet de repenser, de donner de nouvelles clés de lecture sur l'ordinaire, il faut quand même être nuancé dans la mesure où c'est une approche intéressée, c'est-à-dire que c'est vraiment pour lutter contre le changement climatique. Il ne faut pas oublier non plus la dimension éthique de ce concept qui pourrait aussi inciter vraiment à reconnaître une valeur intrinsèque à l'ensemble des éléments, et notamment les éléments humains qui ont souffert dans tout le temps de l'action humaine. Voilà, je vous remercie. Merci.